Bienvenue aux 16 minutes de l'Apocalypse. Oh non, on va bientôt mourir. Blablabla. Bla, bla. Encore une fois, blablabla. Bla, bla. Ah oui. Mais là, comme on a plein d'affaires à dire, on va arrêter de s'apitoyer sur notre sort. Vous savez comment sort. Ça marche, là. Ouais, ouais, c'est ça. Dans 16 minutes, c'est fini. Ou à peu près. Parce bon, qu'on a décidé que... Tu veux-tu commencer? C'était à peu près. Hein? Tu veux-tu commencer? Ouais, ben, moi, je voulais juste faire un petit retour sur G&M. Parce que je me suis rendu compte qu'on en a pas parlé. Mais à part moi, sur le blog, que j'en ai parlé beaucoup, puis que vous, les autres, en ont pas parlé pantoute, parce que ça a l'air que c'est vraiment moi le porte-parole, puis que je suis le seul à me taper toute cette job, ce qui est en fait pas mal le but. T'as rien à dire là-dessus, toi? Non. Non, mais j'ai vraiment rien à dire, là, à part que... Non, mais... moi, je voulais qu'on fasse un retour peut-être sur notre panel, que j'ai trouvé quand même bien. Ben, mais c'est sûr qu'on avait pas, déjà de l'expérience un peu, là, vu notre failure total à Tacouton. Ouais, failure total, mais j'irai pas jusqu'à dire que celui de G&M a été particulier. Ben, il a été meilleur, mais ben, il a il pas été, été un il a grand été succès non bon. plus. Ouais. On avait du public, les gens trouvaient ça drôle. C'est sûr qu'on a des choses à améliorer, comme à la fin, après le film, là, il n'y a plus personne que ça ait tenté de rester là encore. Ben, il y avait quand même la récession. Ce Non, qui mais est toujours une bonne chose. Je pense que à partir de la récession, il y a comme la moitié des personnes qui sont parties là, ça... Ben, c'était pas mal fini aussi. Ouais, mais c'est On ça, avait sûr qu'on a gardé la encore des choses récession à pour la fin. améliorer. Donc, Watching à Tacouton de 2009. Ouais. Là, on va être big. À part ça, moi j'ai quand même trouvé ça bien, G&M. Je pense qu'on n'a pas parlé de ça, la convention en général. Sur le blog, je sais que j'ai beaucoup parlé de des trucs que moi j'ai ben, faites, en même temps, on n'a mais pas pas vraiment eu le vraiment. temps d'observer, ça avait l'air de quoi. On a été à quoi, genre, trois diffusions, pis c'est tout. J'avoue. On n'a pas fait grand-chose à part nos choses, Ben, mais c'est on ça. a quand même constaté que l'organisation était très bonne pour une première année. Je veux dire, Ben, est-ce ça que dépend des Tacuton était comme choses. ça? Si, je pense que si Arnaud avait pas été là pour la Green Room dans Mascarade, ça aurait été fait vraiment dur. Qu'est-ce qu'il a fait de la Green Ben, Room à la il a tout mascarade? aidé, genre la coordination de la rentrée des participants pis tout, là, parce que, Ah, je sais pas pendant que si tu te j'étais rappelles, pas mais là? dans Green Room, non, mais je sais pas si tu te rappelles, mais dans Green Room, pendant genre 2 heures, on attendait que les Ouais. participants y rentrent. Ouais. La Green Room, au début, a été un peu bordélique, mais comme il y avait pas trop de participants, ça a pas été trop pire. Je veux dire, on a commencé la mascarade avec seulement une demi-heure de retard, ce qui est quand même très bon. Ben, comme je te dis, je sais pas si mettons, Arnaud avait pas été là pour les aider, à quel point il y aurait... Je vais arrêter le micro-ondes de la mort parce que j'ai un autre appel. Ce sera pas long. Ah, oh, mais... Ok. Bon, alors, de retour du téléphone. Moi, ce que j'ai quand même trouvé cool, puis ça, je sais qu'on n'a pas parlé dans le blog, c'est le fait qu'on était vraiment, là, comparé à Otakuton, on était vraiment dans le staff, mêlé avec tout le monde, puis qu'on s'est fait plein de contacts, puis d'amis. Je sais que toi, Quoi? c'est ça que t'aimais, genre. Ouais, toi, t'aimais pas ça? Ben moi, c'est, je pense que ce que je préférais faire pour Otakuton, c'est faire de la mascarade plus que faire du backstage. Même si j'ai quand même aimé ça, me faire des contacts pis tout, comme tu dis, là. Ouais, parce que moi, c'est sûr que c'est ça que j'aimais bien, le fait qu'on ait connu tout le monde qui sont... Tu sais, du monde qui Genre sont tous les dans gens de les Team Jadex organisations, pis ça, là. qui sont dans les organisations de plusieurs conventions. C'est tout le temps les mêmes faces qui reviennent, dans le fond. Ben, c'est comme Puis... dans n'importe quoi. Ben, ouais, C'est c'est comme toujours dans les mêmes n'importe faces quel qui domaine. reviennent. Fait que je trouvais ça cool. Puis, donc, tout ça pour dire, on a un On a petit un scoop scoop. pour vous. Ouais, Mais on a un c'est un vrai scoop scoop. pour moi aussi. Ben, pour toi? Ben oui, je sais pas pourquoi la mascarade de Tacouton va être mieux. Ouais, ben c'est ça le... Ben, tu lis la feuille de route, toi, là. C'est, je sais plus qui nous a dit ça, là, mais on a un scoop à propos de la mascarade de Tacouton. Elle va être... ils vont utiliser deux kits de juges. Ils achètent ça en kit, eux autres, des juges. Fait que il va avoir le kit dans Green Room, puis le kit live dans la salle. Fait qu'ils vont pouvoir rouler justement avec deux kits de juges. Donc, la Green Room va être pas mal moins longue. Et donc, ça va pouvoir commencer avec pas mal moins de retard. Ouais, c'est ça. Un pour les costumes, puis... Mais c'est toujours de C'est ça, même. un pour Un les pour les costumes, costumes puis un en... pour les skits. Exactement. Mais tu penses-tu qu'ils vont quasiment pouvoir rouler avec trois sets de juges? Pour faire quoi? Ben, tu sais, un pour les costumes, un pour les skits, puis un pour l'alternatif. Ah, le show alternatif de remise de prix, c'est toujours important, ça. Mm-hmm. Moi, je dis, on pourrait changer le nom de ça, puis plus appeler ça les prix parallèles. On pourrait juste appeler ça les prix de la brigade SNW. Ouais, arriver à Takuton, puis dire, on fait notre remise de prix. Genre, on s'arrange avec le staff, comme on avait fait à G-Anime. Puis on dit, bon, la brigade SNW, on vient remettre nos prix qui sont meilleurs parce que on fait tout le temps ça comme à notre habitude. Mm-hmm. Il me semble que ce serait une bonne manière d'introduire ça. Bon, sinon, moi, je voulais te demander une autre question, mais là, ça a plus rapport parce que je pense qu'on a fait le tour de G-Anime, là. Ouais, vas-y. Bon, mais tu sais, on a participé à Hors Souterrain, lui, Narf et moi. Ouais. Dans le fond, Hors Souterrain, c'était une activité dans le cadre de la Nuit Blanche qui était le clou du festival Montréal en Lumière. La Nuit Blanche, c'est une nuit où plein de festivaliers, durant toute une nuit, peuvent assister à plus de 300 activités. Ben, ça, c'est pour cette année. L'année passée, il y en avait comme 80. Cette année, il y en avait comme 80 par zone, puis il y a comme 4 zones. Puis donc, Hors Souterrain, c'était dans le Montréal Souterrain, genre Place Ville-Marie, Place Bonaventure et tout. C'était des artistes d'art visuel qui présentaient leur œuvre pendant toute la nuit, là, puis les personnes dans ce terrain avaient besoin de médiateurs. Moi et Naf, on était des médiateurs. Donc, je vais savoir, Naf, comment t'as aimé ça? Moi, j'ai été avec un artiste qui s'appelle Emmanuel Avelin. En tout cas, il me semble que c'était ça son nom. Qui avait son œuvre qui s'appelait Circumvision, avec un S. Puis, c'était un film de 30 minutes, très expérimental, que j'ai trouvé un peu... Ben, c'est sûr que c'est un film expérimental. Fait qu'il faut aimer le genre, et ça a l'air que j'aime pas trop le genre, finalement. Ok, mais c'est quoi expérimental? Ben, c'était dans le sens que son film, il y avait aucune histoire. C'était un film sur, tu sais, il avait utilisé des images de ses voyages précédents, puis des photos, puis il avait fait un montage vidéo, mais, tu sais, avec beaucoup d'effets visuels pour, mettons... Lui, c'est un marcheur, il marche beaucoup, puis il dit « Des fois, je marche, puis je vois des choses, puis ça a une forme de quelque chose d'autre. » Fait que lui, ce qu'il faisait avec l'ordi, c'est qu'il transformait la montagne... La chose qu'il voit en l'autre chose. Ouais, pour que tout le monde du public soit capable de le voir. Sauf que, je veux dire, ça aurait été plus le fun avec de la narration, moi, je trouvais. Ça aurait fait un film pas mal moins expérimental, c'est sûr. Mais parce que moi, quand moi je l'ai écouté avec lui, il me disait au fur et à mesure qu'est-ce qui se passait dans le film. Donc, qu'est-ce que je comprenais. Fait que moi, je comprenais, puis j'ai trouvé ça bon. Je sais qu'il y a du monde dans tous ceux à qui j'ai parlé du film pendant la Nuit Blanche. Il y avait une madame, entre autres, qui était en extase devant le film, qui l'a adoré, qui a trouvé... Elle a vraiment tout compris, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre dans le film, la partie... c'est voyage, autant mais en général, dans c'est le monde qu'un voyage spirituel, un peu, là. Fait que, je pense que ça a bien passé, puis moi j'ai bien aimé ma soirée. Toi, c'était avec qui que t'étais? Ben, juste, je voulais juste ajouter de quoi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de choses crappy, des choses de même qui auraient mérité de l'explication, parce que, mettons, dans la salle à côté de moi, il y avait une expo, c'était comme un labyrinthe avec un petit peu de musique, puis comme des formes, puis là, le but c'était genre rentrer dans le labyrinthe, donc faire partie de l'œuvre. Sauf que c'était tellement mal fait que, c'est pas si cool que ça. Oh. Puis j'ai l'impression que... Ça veut dire que c'était les médiateurs qui faisaient pas trop bien leur job? Ben ça, mais ouais, il aurait fallu qu'il explique plus. Mais je pense que les médiateurs, en général, ont pas super bien fait leur job. Ah, moi je dirais que de mon bord, ça roulait bien. Parce qu'à un moment donné, j'ai été faire un tour aux autres œuvres, puis je me suis rendu compte que les médiateurs faisaient aucun effort nécessairement pour aller vers le public puis leur expliquer c'était quoi. Ben, il y avait aussi... Moi, je veux dire, effectivement, je m'approchais pas des gens pour leur parler de l'œuvre, à moins qu'ils viennent me poser des questions. Ben, tu vois, moi puis Marianne, là, la fille avec qui je faisais ça, on approchait les gens, souvent on voyait des gens, puis on allait regarder l'œuvre avec eux, puisque notre œuvre, dans le fond, c'était Laurent Krast, un céramiste qui a décidé de projeter des vidéos, des séquences vidéo sur ses œuvres de céramique. Là, c'était une assiette qu'il avait accrochée, puis il avait comme il faisait une projection d'une minute vingt. Donc, on avait, tu sais, dans le fond, les personnes avaient le temps de regarder l'œuvre, puis qu'on laissait les gens regarder l'œuvre. Le reste, on leur demandait leurs commentaires, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé. Puis, ce qui était vraiment cool, dans le fond, c'était justement tout voir l'interprétation des gens qui était différente un peu, puis qui était pas celle que, ben, dans le fond, la vraie, le but de l'artiste. Mais c'était le fun parce qu'il ajoutait des éléments auxquels on n'aurait pas pensé, mais que dans le fond, c'était vrai. Ouais, j'avoue Puis que moi, c'est là t'avais que une j'aimais bonne ça. méthode, toi. De poser une question, genre, qu'est-ce que vous avez compris? Je pense que c'est une bonne méthode. Puis quand j'y pense, mes meilleurs profs de cinéma, c'est ça qu'ils font après avoir écouté un film. C'est genre, bon, qu'est-ce que vous en avez Ben, pensé? c'est sûr que moi puis ma co-médiatrice, on a pensé un petit peu à quelle approche. La première heure, je pense qu'on était pas nécessairement poche, mais à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, après ça, on se parlait, elle et moi, pour savoir qu'est-ce qu'on devait améliorer. Puis après ça, on a trouvé une formule gagnante qui était justement d'aborder les gens, leur demander s'il y avait comme un fait marquant qui les avait attirés plus. Comme ça, nous, on pouvait comme leur dire cette chose-là. Mettons que c'était les fleurs, mais on pouvait leur dire c'est quoi la signification des fleurs. C'est tant Mais qu'à c'est sûr que tout le fait toujours que vous expliquer à tout le soyez. monde. Mais c'est sûr que le fait que vous soyez deux, ça a dû aider pas mal. Moi, Ouais, j'étais c'est quand ça. même Nous, tout on était seul, deux, puis puis. l'artiste était toujours là. Fait que je veux En dire, c'était plus, vraiment donc vous cool, étiez là. trois. Mais l'artiste était toujours avec ses amis, donc on était deux et demi, mais il était là quand même un Ok. peu, là. Il a été super cool, puis super généreux de son temps. Bon. On passe à un autre sujet. Ouais, là, il me reste 2 minutes pour parler vite, vite. Moi, je voulais te dire que c'est cool qu'on fasse un podcast puis que j'en parle là, c'est comme un petit peu de la mise en abîme. Mais pour un travail scolaire, faut que je monte 2 émissions de radio à la radio communautaire. Puis là, aujourd'hui, c'était ma visite des lieux, puis c'est vraiment plus petit que ce que je pensais. Dans le fond, il y a une La radio réception. communautaire, tu Ouais, parles? il y a une réception, puis il y a un studio d'enregistrement, puis c'est tout. Puis là, Ah ben, c'est en masse. ben c'est ça, la madame, l'animatrice qui était là pour l'émission de midi, dans le fond, quand on a été visiter, elle m'a montré un petit peu comment faire la mise en onde, là. Elle a montré les micros, là, je posais plein de questions, c'était cool. Puis elle nous a interviewés tous les trois, ben moi et les deux autres membres de mon équipe, qu'on a passé à la radio. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai une belle petite voix de radio. Sauf que là, T'as ça passé paraît à pas avec mon radio. micro cheap. T'as passé à radio. Mais Pour la radio vrai, communautaire de la salle, je pense qu'il y a à peu près autant d'auditeurs que les podcasts de la brigade. ah, mais peut-être qu'on devrait diffuser les podcasts de la brigade sur la radio communautaire de la salle. Ben c'est sûr que de faire ça, puis j'ai même pris la carte d'affaires du directeur général de la radio, parce que ils ont encore plein de trous à combler dans leur programmation, étant donné que c'est une nouvelle radio genre de il y a un an. Fait que c'est sûr et certain Wow. que ce qui serait cool, c'est de monter un projet puis leur soumettre. Puis c'est sûr que c'est une très grande porte ouverte pour la brigade pour faire des vrais shows de radio. J'avoue que ça serait hot en maudit. C'est sûr que c'est à la Mais c'est où? salle. Ouais, la salle, je sais pas c'est où. Ben c'est genre Là, on voit toute ma culture géographique du Québec qui station de ressort. métro en Grignon. Oh, à l'autre bout. Ben à l'autre bout, Ben, ça se fait. ça prend 45 minutes des résidences de l'Uni. Ouais, moi j'avoue, ben ça se fait quand même pas trop pire. Ben Ça non, c'est serait hot ça. en maudit, moi je trouve. Fait que, oh, ben, ça fait 15 minutes. Je pense Le qu'on a fini micro-ondes de notre sujet. l'apocalypse vient de sonner. On a Ouais, fini je peux notre finir sujet. avec un petit sujet rapide. Ben, vite, vite, là. Ouais, je le fais quand même. Une petite chronique, mettons, les aventures de la brigade SNW sur Facebook, si on peut dire. Alors récemment, notre profil Facebook s'est fait effacer, et puis là on a créé un groupe, mais c'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux parler, c'est d'un certain gars qu'on va appeler Mathieu, parce que c'est Mathieu ça son nom. Lemoine. Ben là, t'étais pas obligé de dire son nom de famille. En tout Mais cas, tout ok, ça mais c'est pour parce que dire je ne que... sais pas c'est qui, fait que je pensais que c'est un personnage. Non, Mathieu sur Facebook, c'est un ami à moi et à Oli. Et puis Mathieu a récemment découvert que la Ah, limite du nombre ça. de groupes qui pouvait Tu m'en as déjà parlé, adhérer hein? était... Non, j'en ai pas parlé sur les Mais podcasts. tu m'en as parlé à moi, fait que ça compte. Je m'en fous. Ok. La limite des groupes était de 300. Alors, et comme il était un grand adepte d'adhérer à tout plein de groupes stupides, du genre je bois de la bière en public, ou ben Ben plein non, de la groupes reconstitution de stupides. la bataille de Hoth. Ouais. Et donc, il s'est dit, bon, là, mon but... Avant la session d'examen, c'est d'atteindre la limite des 300 groupes. Alors, tout le monde s'est mis à créer tout plein de groupes du genre « Je m'appelle Mathieu ». Ça, c'est... Je sais plus c'est qui l'a fait. Mais moi, en voyant ça, j'étais jaloux. Fait que j'ai évidemment créé un groupe qui s'appelle « Je m'appelle Narf Puis est-ce que plus que ». toi dans ce groupe-là à date? Non. Oli l'a aidé aussi en créant tout plein de groupes. Parce que oui, Oli est rendu sur Facebook. Il a allé full la dernière fois qu'on avait fait un podcast. Mais maintenant, Oli a succombé à la l'emprise monopolistique de Facebook. Sérieux, et moi aussi, ça... mais pas tant que ça encore. Oui, mais Oli, c'est une machine, là. Il est pire que moi. Il est tout le temps adhéré à tout plein de groupes, puis d'envoyer des messages à tout le monde, puis des pleins de conneries, évidemment. Alors, ouais, c'est ça que je voulais raconter à propos de Mathieu et ses... Parce que, c'est, évidemment, il y a un groupe qui a été créé, c'était... ma page d'accueil Facebook est remplie de messages d'adhésion de Lemoine à des groupes stupides. C'est ça. Fait que, évidemment, j'ai adhéré à ce groupe-là pour... c'est comme une pétition contre Mathieu pour qu'il arrête d'adhérer à des groupes. Et là, finalement, il a atteint la limite. Alors, il ne peut plus adhérer. Oui, et là, il ne peut plus. Mais il a dit, enfin, j'ai atteint la limite, je vais pouvoir aller étudier. Oh, yes. C'est quand même une bonne chose qu'on l'ait aidé à aller étudier un peu plus avant que si on l'avait pas aidé. Mm-hmm. Alors, moi, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Fait que en terminant, En terminant, j'aimerais signaler que dans Animal Crossing, quand on capture un cloporte, ça nous dit « Bravo, tu as capturé un cloporte, maintenant il ne reste plus qu'à trouver la clo-clé. » Oh! Et quand j'ai vu ça, j'ai freaké ben raide, j'en revenais juste pas. Puis ma sœur qui était en train de jouer Animal Crossing a fait comme « Ben là, reviens-en », mais j'en revenais pas. Et c'est ainsi qu'on va terminer... Ces 16 minutes de l'apocalypse qui, j'en doute pas, sont un petit peu plus longues que d'habitude. Mais on pourrait peut-être changer le nom de l'émission puis appeler ça les à peu près 16 minutes avant l'apocalypse. Ouais, mettons. Je verrai si ça me tente de faire ça quand je vais le sortir. Au pire, bon apocalypse, Narf. Ouais, toi aussi. Alors, c'était Narf et David le légendaire. Qui vous souhaitons un joyeux apocalypse. Et kaboum. Kaboum.